Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. Quelle est l'identité de genre d'une personne? Exactement, comment se siente? Perdu la tête, ouvre le chemin de ma mère. Et pour qui sentis attraction sexuelle affective? Ou pour d'autres femmes? Elle deja de ser mujer, pour eso? Es imposible disociar nuestra identidad y nuestro cuerpo. El cuerpo para nosotras es una herramienta de lucha. Dans un corps sain. Au bord des corps. Bonjour les auditrices. Bienvenue dans cette petite nouveauté de podcast. Comme vous l'avez peut-être cerné, j'aime pas mal m'appuyer sur des références de films, bouquins, séries ou musiques pour compléter les réflexions que j'essaie de tisser ou que les contributeurices amènent. Cela ne laisse néanmoins pas beaucoup de temps pour approfondir le sujet. Or oui, les œuvres culturelles ont un impact énorme sur notre imaginaire, nos recherches d'identité et donc de légitimité. Et c'est un vivier d'inspiration pour toutes nos créations à venir. C'est pourquoi chaque dernier mardi du mois, je vous partage seul ou accompagné, selon qui veut, des petits retours critiques et coups de cœur. Comme c'est le premier et que je suis solo, je vais pas aller très loin. Je lance plutôt un appel à ce que vous me partagiez les œuvres sur lesquelles vous aimeriez parler ou échanger. Des exemples de sujets ? Niveau cinéma, est-ce que vraiment Netflix fait des séries plus représentatives des minorités ou est-ce que c'est du gros washing ? Est-ce que Julia Ducournau, la réalisatrice de Grave et l'an dernier de Titane, est transphobe ou est-elle juste à des niveaux de lecture qui pètent tous nos codes ? Est-ce qu'il n'y aurait pas du coup une responsabilité particulière à parler, à recontextualiser ou donner des outils de compréhension aux différents publics d'un tel film ? Plus généralement, dans l'écriture de fiction, quelle pratique d'écriture sûrement collective est la plus propice à faire émerger des récits représentatifs, sans parler à la place des autres ? Comment on gère nos prises de place entre personnes qui pouvons, selon les contextes, être à la fois minorisées et privilégiées. On pourrait aussi s'intéresser au podcast de manière générale et à l'homogénéisation des productions de Binge Audio à Nouvelles Écoutes, en passant par Slate, qui aborde les mêmes sujets, eux aussi toujours un peu plus proches de ceux qu'on tente de brandir depuis nos minorités depuis des années. La santé mentale, le politique dans nos relations intimes, les questions d'identité, mais avec toujours un prisme avant tout de gauche plutôt bourgeoise et inscrite dans la société, et qui invite et publie toujours les mêmes personnes de nos communautés, généralement des parisiennes, pendant que nous on galère à faire entendre d'autres niveaux de complexité et de vécu. J'aimerais proposer à des personnes calées en musique de venir aussi se pencher sur le sujet des appropriations des différents sons, rythmes et des appellations qui y sont mises, ou encore de la manière dont la musique porte, fait ressortir des parties de nous qu'on ne sait pas autrement mettre en mots. Ce serait aussi l'occasion de parler droit d'auteurisme, monopole dans les milieux culturels. Et puis de manière générale, je suis toujours chaud pour critiquer les pièces de théâtre mainstream. N'oubliez pas d'ailleurs que vous pouvez aller chercher vos petits billets solidaires au TNBA, Théâtre National de Bordeaux-Aquitaine, pour voir des pièces gratuitement, pour les personnes qui habitent à Bordeaux. Ou alors on pourrait aussi s'échanger nos meilleurs plans de bouquins, de BD, de show drag, etc., etc. Pour un petit avant-goût, je vais commencer par là où je me sens le plus à l'aise pour cet épisode, c'est-à-dire les séries. Ces dernières années, plusieurs séries m'ont accompagnée dans mes réflexions autour de la santé mentale et fait vraiment méga beaucoup de bien. L'écueil est toujours de ne pas tomber dans un truc trop sensationnaliste et stigmatisant. Pendant le premier confinement, j'étais néanmoins tellement au maximum de mes troubles psy et je me sentais tellement solo et bizarre dans mes obsessions et mes angoisses que voir des séries qui poussaient les curseurs des personnages encore plus loin m'a fait du bien. J'ai notamment été marquée par la série The Sharp Object, avec un personnage principal qui m'apparaît complexe, avec ses pratiques d'automutilation et ses addictions qui sont présentes, voire omniprésentes dans la série, et qui sont abordées quand elles posent des problèmes notamment sociaux aux personnages, mais elles ne sont pas non plus le centre du sujet. Je ne suis pas exactement concernée par les troubles mis à l'écran, mais à ce moment-là, je n'étais pas en mesure de voir des représentations de ce qui me touchait directement. Or, je me reconnaissais néanmoins dans les stratégies que met en place le personnage, tant d'éviction, de dissimulation, aussi dans le côté urgent, obsessionnel et cathartique de ses pratiques et dans le mal-être de fond qu'elle exprime. J'ai eu le même élan d'identification et de sentiment d'appartenance à la communauté des gens weirdos en regardant The OA, notamment dans le rapport à la psychiatrisation. Après, bien sûr, si vous êtes concerné de près par la psychophobie, ce type de série peut être à double tranchant. Si vous cherchez quelque chose de plus décalé et un peu science-fiction, je peux vous inviter à regarder la série Maniac sur Netflix. Et si vous kiffez le cinéma qui vous interpelle, joue avec l'imaginaire interne des personnages et les codes du théâtre, allez voir Fleabag, la série. Please. Je m'arrête un peu plus longuement sur une des séries Netflix que j'ai trouvées les plus réussies l'an dernier. Pour ce qui est du récit d'un point de vue interne d'un personnage minorisé, je recommande la série Made, disponible sur Netflix. On y voit une jeune mère, Alex, qui quitte son mec toxique et violent, Sean, père de son enfant, et se fait employer comme agente de nettoyage, essayant de se débattre avec la machine de précarité qu'est le système social états-unien. Adapté du roman de Stephanie Land, Made, Hard Work, Low Pay and Mother Wills to Survive, la série est particulièrement appréciable pour la complexité des trajectoires qu'elle donne à voir. Évitant les représentations stéréotypiques, l'ex abusif de l'héroïne Alex, Sean, n'est pas juste le cliché du mec cis incarnant le mal en personne sans aucun affect. On y perçoit sa vie, ses propres fragilités et paradoxes, sans que cela ne vienne justifier ses actes. On voit comment intervient le stress des conditions matérielles et la complexité des affects dans la difficulté d'Alex à sortir de l'emprise que Sean exerce sur elle. Alex n'est ni victimisée, ni présentée en sur-héroïne qui s'émancipe d'un coup. On voit ses allers-retours, bien plus représentatifs des véritables sorties d'emprise, des relations toxiques. Where's my car? Nate's car. What? Nate's car. What are you talking about? I gave it back to the prick. I'm sick of looking at another man's car in my driveway. You didn't do that. You didn't do that. You gave it back to him. Yeah. No. No. Look, if he wants to do charity work... No, no. He could Sean, donate it to Sean, the Red Cross. Sean, that's my fucking car. That is my life. That is my only way for me to leave here. Sean, that's late the only for way work. For me to do anything. I'm late for work. Le récit reste toujours de son point de vue et remplit à ce titre le test de Bechdel, puisque les dialogues et pensées du personnage sont loin de tourner autour des mecs cis et de ses relations. La série aborde du même coup les différences de préoccupations, et on pourrait dire de féminisme, entre la classe sociale élevée de Regina, chez qui elle travaille, qui est par ailleurs une femme noire, et Alex, femme blanche mais précaire. Cette partie permet à la fois de renverser les stéréotypes habituels de racialisation, sans pour autant que le racisme soit, du moins à mon sens, invisibilisé. Or cette rencontre, parce qu'elle impacte et modifie les deux personnages, offre aussi un exemple concret de sororité et de pont entre des vécus très différents d'oppression. On voit ainsi se croiser de nombreuses approches différentes de la précarité. De la froideur et l'absurdité administrative aux différents mécanismes de sauveureuse, généralement non sans attente de redevabilité derrière. On trouve également dans la série la mise en scène de phénomènes de plus en plus mis à jour par les sciences sociales et psychologiques, comme le stress post-traumatique, qui est abordé là encore, non par un regard extérieur sensationnaliste, mais par le point de vue interne du personnage. La série use des outils cinématographiques pour traduire de manière métaphorique la dépression du personnage telle qu'elle est vécue. On y trouve également le sujet de la transmission générationnelle, de la violence, qui est là aussi abordée sous différentes formes selon les personnages. En termes de représentation de personnages psychiatrisés, le personnage de la mère d'Alex est également très intéressant. Alors qu'on pourrait craindre un certain condensé de stéréotypes psychophobes en en faisant une personne irresponsable, voire égoïste et méchante, ce personnage est finalement complexifié au fil des épisodes dans ses ressentis. Et il n'est pas seulement montré dans ses moments les plus intenses de « entre guillemets folie ». Le personnage de la mère d'Alex permet d'ailleurs d'aborder la question de la relation entre personnes psychiatrisées et les proches, notamment lorsqu'entrent en jeu des nécessités socialement construites, d'avoir un suivi, voire d'être interné, c'est-à-dire d'être mis quelque part dans des codes sociaux. Cette interprétation extérieure de sa situation, comme quoi elle n'est pas capable de se prendre en charge elle-même, entre en contradiction avec le vécu ressenti par la personne concernée. et on voit les stratégies qu'elle met en place pour rester dans sa bulle à elle et dans ses choix. Par cette relation mère-fille complexe, il me semble qu'un autre sujet est également abordé, celui de l'absence de pardon, mais sans que cela implique nécessairement de rupture des liens. Bon, ça c'était pour la partie sur Maid. J'ai ensuite réfléchi à quelques séries que je pourrais conseiller en termes de communauté queer. Je passe sur The L Word Génération Q, qui est trop inégale, je trouve, pour faire un court retour. Je reste assez tiraillée sur Euphoria, entre l'admiration que j'ai pour la mise en récit, l'esthétique, la musique et l'authenticité de certaines scènes, avec par ailleurs la romantisation hyper problématique des violences, la sexualisation des personnages féminins, le tout écrit par un mec, Sam Levinson, apparemment bien questionnable dans sa pratique, qui s'arroge le pouvoir de traiter de beaucoup de sujets, comme le queer, les violences sexuelles, etc., pour lesquels il n'est certainement pas le mieux placé. Il en découle par exemple des rapprochements très problématiques, comme pour la trajectoire du père de Nate, donc personnage affreux, qui est dépeint au final comme un homosexuel refoulé. Partie de son identité qui est dévoilée dans la saison 2, bah, vient faire des échos très chum avec la saison 1, puisqu'on dirait que c'est une manière d'expliquer sa fétichisation des femmes trans. Et donc, autant ça peut être un parallèle mal pensé, mais le résultat en est clairement la banalisation et l'entretien de fausses représentations transphobes qui vient concentrer l'orientation sexuelle sur les parties génitales en niant les véritables identités de genre des personnes. Du coup, je préfère recommander de plus petites séries, peut-être un peu moins connues, comme Working Progress ou encore Betty ou même Para. Il y a également Feel Good, qui est vraiment mignon et rigolo, aussi Please Like Me. Les nouvelles aventures de Sabrina m'ont également plongé dans de nombreuses réflexions sur les dilemmes entre communauté d'appartenance et le reste du monde extérieur, rapport à la famille, aux relations choisies, etc. En plus du fait que la série s'est bien amenée l'émergence de ces personnages queer. Et puis, si vous voulez, dans un tout autre genre, un truc vraiment haletant, incroyablement bien joué, lesbien, et qui vous retourne le cerveau sur les responsabilités de bien et mal, bah, allez voir Killing Eve. Pour des séries abordant plutôt le sujet des communautés et identités racisées ou racialisées, je m'appuie sur ce que j'ai vu et qui était par ailleurs relayé par des personnes de communautés vivant directement ces oppressions, faisant des critiques de ce point de vue-là, à savoir Insecure, qui en vrai fait juste trop du bien et aborde énormément de sujets quotidiens. Go shouty, it's my birthday, but no one cares because I'm not having a party, cause I'm feeling sorry. For myself. I just want to be more confident. Brave me. I want to be that person. I love these sandies. I have a problem. Converse. I have a problem. I love how you just like don't even care. A few of the others had some concerns. Are they concerns that they can talk to me about? They're having secret white meetings and they're sending secret white emails. Girl, you know these white people are. Oh. Il y a également la série Atlanta sur Disney+, dont j'ai d'abord entendu parler parce que la série avait une super critique dans le podcast Peak TV, bon, qui est par ailleurs animé par deux personnes blanches, donc voilà. Mais la série est incroyable effectivement en termes de narration, d'imaginaire, elle fait plein de fucks à la blancheté qui sont omniprésents, mais qui sont juste autour du récit, qui reste lui pour sa part centré sur une toute autre histoire, et qui est d'ailleurs écrite uniquement par des personnes racisées, centrée sur des personnes racisées avec que des personnages racisés. Et de même, la série de super-héros Black Lightning s'ancre dans les réalités sociales états-uniennes en se centrant sur la communauté afro-américaine. Et pour faire le lien avec le meilleur traitement du sujet des violences sexuelles selon moi que j'ai pu voir en série, bah, je vous recommande la série I May Destroy You, avec bien sûr tous les trigger warnings possibles. Une série pour laquelle j'avais rédigé un article au nom de mon collectif il y a environ 2 ans, et qui est également d'une grande force de mise en scène, là aussi du point de vue interne du personnage central, qui est joué par la scénariste-réalisatrice à partir de son expérience personnelle, donc Michaela Coel. Sometimes it gets a bit much. What do you do when it gets a bit much? Try yoga, painting. Painting? Handicrafts? I don't even think I know what handicrafts is. There's so much injustice, and my job is to speak the truth. Thank you for what you're doing. I love you too. I caught the wave, I caught the wave. I caught the sharks and they swim with the fishes. Si vous êtes blanche et que vous voulez des séries pour de la pédagogie sur le racisme, je pense que Dear White People et Dans leur regard sont une bonne entrée. It's my mom. It's just us. You and us. Who you were in the park with? I don't know names. I just got lost. Where did you see the lady? One lady. The female jogger was severely beaten. I know one. Zoning on the road. Nothing these boys state matches the central facts of the crime. All we need is for one to tie this whole thing together. These tapes are not as clean as the state would have you believe. There is injustice happening here. There is not one shred of evidence. Imagine the frenzy of these teenagers. Ripping off her clothes. They are innocent of these crimes. They are guilty. Ainsi qu'Orange is the New Black, mais en sautant la fin de l'épisode 12 de la saison 4, parce que visibiliser la violence assassine et systémique des forces de l'ordre sur les corps noirs ne devrait pas se faire encore et encore par la reproduction visuelle traumatisante de ces meurtres. J'essaie de me tenir à jour des critiques qui sont faites sur les biais blancs, racistes, des séries et de l'ensemble des œuvres culturelles, mais n'étant pas concernée, il va de soi que ce que je dis reste limité à ma perspective blanche d'alliée. J'essaie de relayer des contenus pour m'adresser au plus de monde possible, mais comme pour tout, il vaut mieux aller directement lire ou écouter des analyses faites par des personnes concernées. Donc je vous conseille notamment d'aller lire ou écouter l'écrivaine et journaliste Jennifer Padjami, anciennement autrice du podcast Miroir Miroir sur Binge Audio, qui a sorti Féminisme et Pop Culture en 2021, où elle met en avant les interactions entre culture populaire et émancipation des différentes minorités, et en critiquant tout l'aspect de récupération par les productions mainstream. La journaliste Emeline Amétis travaille également beaucoup sur les questions de genre, de race et de classe, et la chercheuse en sociologie Kaoutar Archi travaille, elle, beaucoup aussi sur les rapports de pouvoir intrinsèques au monde de l'art et de la culture. Elles produisent toutes les deux des articles et interviennent dans le podcast Quad Meuf sur Nouvelles Écoutes. Le podcast du Chip, qui est toujours disponible sur Binge Audio, même s'il n'y a pas eu de nouvelle saison, traite lui aussi des questions raciales dans la pop culture. Après, vous pouvez aussi aller voir du côté du podcast Kif Taras, qui a plusieurs épisodes sur des productions culturelles. Enfin, il est également fondamental de suivre les activités et le travail d'afroféministes, telles que la réalisatrice, comédienne et autrice Amandine Gay et l'écrivaine militante et directrice de publication afroféministe et panafricaine Fania Noël. Dans son dernier livre « Et maintenant le pouvoir », Fania Noël consacre d'ailleurs tout un chapitre de critique de la série « The Handmaid's Tale » ou « La servante écarlate », dans laquelle elle montre l'invisibilisation totale du sujet de l'esclavage et de la suprématie blanche, alors même que la dictature fictive de Gilead est directement tirée de cette histoire de l'esclavage puis de la ségrégation aux États-Unis. Pour des critiques aussi d'autres œuvres culturelles ou des œuvres culturelles décoloniales en elles-mêmes, je vous invite à regarder tout ce que fait le collectif Case Rebelle, que ce soit en termes de podcasts, d'articles, d'œuvres littéraires, fictives, analytiques, films, etc. Pour finir, je pourrais vous parler des heures, notamment des séries qui m'ont également nourrie d'un point de vue militant anarchiste, comme Mr. Robot ou même La Casa de Papel, avec toutes les critiques qu'on peut faire, notamment aux aspects hyper sensationnalistes sur la psychiatrisation dans le premier, et sur toutes les mauvaises ficelles de certains passages de la deuxième, et de certaines représentations aussi. Ou encore vous parler aussi des personnages qui me touchent énormément de plus en plus au fil des saisons, et du coup de quel ressort il y a derrière. C'est notamment des personnages de Stranger Things. Mais ça sera, j'espère, le sujet de plein d'autres podcasts, avec des perspectives d'autres amateuristes, s'il y en a pour venir partager cette aventure avec moi. Voilà! je vous laisse avec tout à l'heure à 18h sur la clé des ondes, une émission en live au planning familial avec ma comparse Ella Bordet. À plus. De votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. ¿Quién es la identidad de género de una persona? Exactamente, ¿cómo se siente? ¿Y qué, por quién sentís atracción sexual afectiva? Oh, por otras mujeres. ¿Ella deja de ser mujer por eso? Es imposible disociar nuestra identidad y nuestro cuerpo. El cuerpo para nosotras es una herramienta de lucha. Dans un corps sain. Au bord des corps.